Ainsi, Lydie et Lottie, par-dessus le mur de leur maison, demandèrent aux gens de venir les aider à creuser leur trou. Un policier, un facteur, des ouvriers des travaux publics, une électricienne, une dame à sa fenêtre, un ramoneur, un cycliste, une cycliste, tous furent séduits par l'idée d'aller de l'autre côté du monde.